Doctrine d'Averroès. Théorie de l'intellect dans Aristote. La théorie d'Ibn Roche, sur les intelligences planétaires, n'est qu'un commentaire amplifié du 12e livre de la métaphysique. Sa théorie de l'intellect humain n'est, de même, que le 3e livre du traité de l'âme, interprété avec la subtilité, les rapprochements hasardés et le mélange de doctrines mystiques, qui caractérise la philosophie arabe. Il y a dans le fait de la connaissance deux éléments analogues à la matière ou à la forme, c'est-à-dire un principe passif et un principe actif. En d'autres termes, il y a deux intellects, l'un matériel ou passif, l'autre, formel ou actif, l'un, susceptible de devenir toutes les choses en les pensant, l'autre, rendant les choses intelligibles. Ce qui agit est supérieur à ce qui souffre, donc l'intellect actif est supérieur à l'intellect en puissance. L'intellect actif est séparé, impassible et impérissable, l'intellect passif, au contraire, est périssable et ne peut se passer de l'intellect actif. Or, le véritable intellect, c'est l'intellect séparé, et celui-là seul est éternel et immortel. De cette doctrine nous voyons déjà sortir une conséquence que le philosophe lui-même entrevoit et accepte. L'intellect en acte est antérieur à l'intellect en puissance, et pourtant, dans l'individu, la puissance précède l'acte. Ce n'est donc pas dans l'individu qu'il faut chercher l'intellect actif, antérieur dans le temps à l'acte même de la pensée. Ce n'est point lorsque tantôt elle pense et tantôt ne pense pas, c'est seulement quand elle est séparée, que l'intelligence est vraiment ce qu'elle est. L'intellect actif est impersonnel, absolu, séparé des individus, participé par les individus. Un pas encore, et l'on devra dire que l'intellect est unique pour tous les hommes, et proclamer ce que Leibniz appelle le monopsychisme. C'est la thèse averroïste. Aristote ne s'est jamais exprimé clairement sur ce point, mais il faut avouer qu'Ibn Roche et les philosophes arabes, en lui prêtant cette doctrine, n'ont fait que tirer la conséquence immédiate de la théorie exposée au 3e livre de l'âme. D'autres passages d'ailleurs confirment cette interprétation. L'intellect vient du dehors, il est séparable du corps, éternel, impassible, divin, il est dans l'âme une substance à part, indépendante, distincte de l'individu, comme l'éternel est du corruptible. C'est en quelque sorte un autre genre d'âme, dont l'étude appartient aux métaphysiciens et non aux physiciens. Ce qui résulte de tout cela, c'est une théorie assez analogue à celle de Malebranche, une sorte de raison objective et impersonnelle, qui éclaire tous les hommes, et par laquelle tout est intelligible. C'est l'interprétation de la plupart des commentateurs grecs, d'Alexandre d'Aphrodisias, de Thémistius, de Philopon, et de tous les Arabes sans exception. Une telle doctrine, assurément, est peu d'accord avec l'esprit général du péripatétisme. Mais ce n'est pas la seule fois qu'Aristote a introduit dans son système les fragments d'écoles plus anciennes, sans se mettre en peine de les concilier avec ses propres aperçus. Il est évident que toute cette théorie du nous, de l'esprit, est empruntée à Anaxagore. Aristote lui-même le cite, et Simplicius nous a conservé un long fragment de ce philosophe qui offre la plus complète analogie avec le passage du traité de l'âme que nous essayons d'éclaircir. Au 8e livre de la physique, la même théorie est donnée expressément comme d'Anaxagore. Dans une thèse ingénieuse présentée à la faculté des lettres de Paris, J. Denis, Rationalisme d'Aristote, Paris, 1847, on a combattu l'interprétation d'Ibn Rushd, et soutenu que l'intellect actif n'est pour Aristote qu'une faculté de l'âme. L'intellect passif n'est alors que la faculté de recevoir les fantasmata, l'intellect actif n'est que l'induction s'exerçant sur les fantasmata et en tirant les idées générales. Ainsi, l'on fait concorder la théorie exposée dans le troisième livre du traité de l'âme avec celle des seconds analytiques, où Aristote semble réduire le rôle de la raison à l'induction généralisant l'effet de la sensation. Certes, je ne me dissimule pas qu'Aristote paraît souvent envisager l'esprit comme personnel à l'homme. L'attention constante qu'il met à répéter que l'intellect est identique à l'intelligible, que l'intellect passe à l'acte quand il devient l'objet qu'il pense, est difficile à concilier avec l'hypothèse d'un intellect séparé de l'homme. Mais il est dangereux, ce me semble, de faire ainsi coïncider de force les différents aperçus des anciens. Les anciens philosophaient souvent sans se limiter dans un système, traitant le même sujet selon les points de vue qui s'offraient à eux, ou qui leur étaient offerts par les écoles antérieures, sans s'inquiéter des dissonances qui pouvaient exister entre ces divers tronçons de théorie. Il ne faut pas chercher à les mettre d'accord avec eux-mêmes, quand eux-mêmes s'en sont peu souciés. Autant vaudrait, comme certains critiques, déclarer interpeller tous les passages que l'on ne peut concilier avec les autres. La théorie des seconds analytiques est celle du troisième livre de l'âme, sans se contredire expressément, représente, à mon avis, deux aperçus profondément distincts et d'origine différente, sur le fait de l'intelligence. Sans doute, en traduisant en langage moderne la théorie de l'intellect, exposée au troisième livre de l'âme, et en la dégageant des formes trop substantielles du style aristotélique, on arrive à une théorie de la connaissance assez analogue à celle qui depuis un demi-siècle a conquis l'assentiment de tous les esprits philosophiques. Il ne tient qu'à nous de faire dire à Aristote, deux choses sont nécessaires pour l'acte intellectuel, premièrement une impression du dehors reçue par le sujet pensant, deuxièmement une réaction du sujet pensant sur la donnée de la sensation. La sensation donne la matière de la pensée, le nous ou la raison pure donne la forme, mais cette méthode de rapprochement est toujours périlleuse. Les systèmes anciens doivent être pris pour ce qu'ils sont, et acceptés comme de curieux produits de l'esprit humain, sans qu'on doive chercher à les interpréter d'après les vues de la philosophie moderne. En somme, la théorie péripatétique de l'intellect, telle qu'elle est sortie du travail des commentateurs, se compose de cinq théorèmes, premièrement distinction des deux intellects, actif et passif, deuxièmement incorruptibilité de l'un, corruptibilité de l'autre, troisièmement l'intellect actif conçu en dehors de l'homme, comme le soleil des intelligences, quatrièmement unité de l'intellect actif, cinquièmement identité de l'intellect actif avec la dernière des intelligences mondaines. La pensée d'Aristote ne laisse lieu à aucune hésitation sur les deux premiers théorèmes, elle est suffisamment claire, sans être incontestée, en ce qui concerne le troisième. Quant aux deux derniers, ils sont bien le fait des commentateurs qui, par des inductions ou des rapprochements, ont cru pouvoir compléter ainsi la théorie du maître. Markendanarchive.org 2021, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.